Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, j'animerai cette émission en compagnie de mon ami, de mon collègue, de quelqu'un dont rien n'arrête et qui voyage dans le monde entier pour aller essayer de nouvelles voitures et nous donner ses impressions. J'ai nommé Marc Bouchard. Salut Marc! Hey, c'était de la présentation inutile, ça, mon homme. C'était solennel, par exemple. Je te fais presque passer pour un vrai grand journaliste automobile. Presque. Tu passes proche. Parce que t'es un vrai, mais t'es pas très grand, mais t'es un vrai journaliste automobile. Côté grandeur. Ouais, non, moi c'est plus. Ma différence, c'est plus horizontale, mettons. Ouais, mais c'est correct. T'es quand même attachant. Donc, c'est Marc, salut. Salut! Tu es présentement à Denver, au Colorado. Ce n'est pas la première fois que tu es là dans les derniers mois. Tu étais là il n'y a pas si longtemps. C'était pas pour un projet, un produit GM, quelque chose comme ça, me semble? Non, j'étais ici pour le Volkswagen Tiguan. OK, tu vois comment que j'écoute quand tu me parles. Donc, ironiquement, ouais. Je suis exactement au même hôtel. OK. Dans la même chambre. Et ironiquement, oui. On a fait la même route. OK. On a arrêté au même restaurant. OK. Donc, c'est les mêmes organisateurs qui ont organisé l'événement à Volvo. Non? Justement, non. OK. Et ce qui est un peu particulier, mais j'arrive au restaurant puis je demande au gars, « Hey, avez-vous tel dessert? » Le gars, il me regarde, tu sais, « Comment ça se fait que vous savez qu'on a ça? » Ben, je dis, « J'en ai mangé il y a 2 mois, c'était super bon. » Le gars t'a crampé. Bon. Ou le gars te regarde et dit, « Tu me l'as demandé la dernière fois que tu étais ici, t'as le gros, pourquoi tu me le demandes encore? » Je t'ai dit non la dernière fois, c'est encore non aujourd'hui. C'est ça. Mais bon. OK, donc Marc, tu vas nous parler un petit peu de la raison pourquoi tu es là, directement là. On va commencer avec ça. Juste pour avertir les gens, on va avoir une émission un petit peu écoutée cette semaine. Tu es sur la route, c'est pas nécessairement facile de faire une émission pleine longueur. On n'a pas de gens disponibles pour venir nous aider cette semaine. Donc, on n'a pas de collaborateurs qui sont disponibles. Martin est en vacances à quelque part dans le sud sur un bateau. Tu sais, quand tu préfères aller en vacances que de venir faire un podcast qui te paye pas au bout de la ligne, là. Je veux dire, comment tu es dédié à ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? On va lui pardonner pour cette fois-là. Oui, je suis sûr qu'il y a bien du fun. La prochaine fois, il faut qu'il nous amène en vacances s'il veut s'en sauver. En tout cas. OK, on verra. Donc, Marc, tu es à Denver, Colorado, comme on a dit, dans les terres de Trump, pour aller essayer un nouveau produit de chez Volvo. Oui, c'est le Volvo XC60. Mais avant d'aller dans le Volvo XC60, je veux te parler de Volvo comme tel. OK. C'est une compagnie qui m'impressionne énormément dans sa façon de faire les choses. Okay. Soyons honnêtes, là, il y a 5 ans, peut-être un peu plus, si tu m'avais demandé c'est quoi la prochaine compagnie automobile qui va fermer au Canada, Volvo aurait probablement été parmi les noms que je t'aurais cités. Moi, je pense que j'aurais été d'accord avec toi aussi. Ça n'allait pas tellement bien quand il était sous la jupe de Ford. Non, puis à partir de 2008, là, ça a été un petit peu compliqué. Et depuis qu'ils font partie de la famille Geely, là, ils ont eu les moyens de leurs ambitions. On leur a donc fourni des moyens, du support, de la structure. Et aujourd'hui, Volvo présente des produits absolument spectaculaires. Ça a commencé, le premier a été le XC90, qui est le gros utilitaire. On est arrivé ensuite avec la S90, la V90, qui est la familiale, et la XC90, qui est le cross-country, là, qui est l'utilitaire. Là, on tombe dans la gamme des 60. Les 60, ben c'est le nom, vous aurez compris d'après les échelles, là, c'est l'intermédiaire, si vous voulez. Genre milieu de gamme, là. C'est ça. Okay. Puis il y aura des 40 un peu plus tard. Okay. Alors, pour le moment, on a lancé le XC60, qui est l'utilitaire sport le plus populaire de la gamme pour le moment. Un petit véhicule qui a subi les mêmes changements que tous les autres véhicules ont subi. Alors, on parle d'un design qui est beaucoup plus proche de ce que Volvo nous a proposé avec le XC90, les fameux phares en ce qu'ils appellent en marteau de Thor, là. C'est comme un T dans le phare. C'est vraiment magnifique. C'est totalement facile à reconnaître. Le capot qui s'allonge, qui est un peu aplati, le gros logo Volvo en avant. Bref, c'est vraiment le look parfait. À l'arrière, on a aussi considérablement changé l'allure du XC60. Dans l'ensemble, c'est donc un tout nouveau véhicule qu'on nous propose. Et dans l'habitacle, ben, on reprend les éléments qui ont permis au XC90 de se distinguer, c'est-à-dire des sièges ultra confortables, une qualité de finition qui est impeccable et un écran multimédia gigantesque au centre, qui n'est pas sans rappeler certaines autres compagnies qu'on ne nommera pas. OK, on va Mais se retenir. c'est ça. Mais qui a une ergonomie. Je t'avoue qu'il y a beaucoup, beaucoup de commandes à l'intérieur de ce système-là. Et je trouve ça un peu complexe à maîtriser. T'sais, ça prend du temps, là. J'ai roulé aujourd'hui toute la journée avec, puis je continuais quand même à découvrir des trucs. Est-ce qu'on a Alors, eu ça. la bonne idée de mettre des boutons physiques et l'écran aussi? Parce que, bon, Volvo étant suédois, de compagnie nordique, normalement les gens conduisent avec des gants. Est-ce qu'on a pensé à mettre des boutons redondants, tu sais, des boutons physiques que tu peux peser avec un gant pour les choses Oui, importantes? ben pour le volume, entre autres, et tout ça, oui, t'as des boutons physiques. Donc, c'est vraiment bien fait. Et le look est très beau. Moi, j'aime beaucoup ce look-là. Vraiment très particulier, très joli. Et ça arrive avec trois motorisations. Mais ça, c'est l'autre affaire que Volvo a fait. C'est qu'ils ont maintenant, je dirais, un moteur qui est à peu près équivalent pour toute la gamme. Tu sais, on n'a plus là 5-6 versions. Non. Alors, tu as un plus petit moteur, tu as une version moyenne qui a quand même 216 chevaux, je vais voir, là. Non, un petit peu moins. Et tu as la version, et ça, c'est la plus impressionnante, c'est ce qu'on appelle la T8. C'est la version hybride où là, il y a 316 chevaux. C'est même plus que ça, c'est, mon Dieu, non, je t'ai induit en erreur. C'est 400 chevaux pour la T8, c'est 316 pour le milieu de gamme, le T6, et le T5 a un peu moins que ça, là, on parle de 270 chevaux. Ce qui est vraiment impressionnant avec la hybride, justement, c'est que c'est exactement le même moteur que sur le XC90 T8 Il hybride. doit travailler un peu moins fort, par Oui, il travaille un peu exemple. moins fort parce que c'est 900 kilos de moins. Ben, c'est ça, ça paraît, là. Écoute, c'est incroyable. Sauf que, ceci étant dit, je dois te dire que pour l'avoir conduit, les 400 chevaux ne paraissent pas tant que ça. Oh non. On a l'impression qu'il s'essouffle rapidement. Il faut dire, on le précise, qu'on est dans la région de Denver au Colorado et qu'on est allé se promener un peu dans les montagnes. Ouais. Donc, on arrive à 10, 11 000 pieds d'altitude, évidemment, les moteurs souffrent un peu parce qu'ils ont besoin d'air pour fonctionner, puis il y en a un peu moins. Tu sais, moi, ça fait 2 jours que j'ai mal à la tête. J'imagine que les moteurs ont un peu de misère aussi avec ça. Ils ont un mal de bloc. Un mal de Ouais, bloc moteur. exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Un Ouais, mal de bloc moteur. OK. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est des moteurs qui sont efficaces, qui vont bien. Et la version hybride, vraiment, bon, il est plus nerveux. Le T6 se conduit très bien. Et l'autre, je ne l'ai pas essayé, malheureusement. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer le T5. OK. Il y a aussi trois niveaux de finition, ce qu'il appelle le Momentum, le R-Design et l'Inscription. OK. L'Inscription, c'est le grand luxe avec boiserie à l'intérieur et un style particulier. Le R-Design, c'est celle que moi, j'aime beaucoup parce que c'est la version la plus sportive en termes de look. On a aussi des suspensions qui sont un peu plus sportives. Donc, on est vraiment là dans un monde. On a adapté des options comme le châssis adaptatif. Donc, c'est vraiment une version qui est un petit peu plus sportive, qui est vraiment intéressante et qui est très jolie. Ceci étant dit, on se retrouve avec un XC60 qui est efficace, qui est agréable, qui devrait connaître un bon succès. Et entre toi et moi, là, quand on compare l'habitacle du Volvo à celui de ses rivaux, là, qu'on prenne les Allemands ou autrement, je peux te dire qu'on est dans un autre monde, là. Genre Celui de mieux? Oui, définitivement. Là, OK. on est vraiment dans une coche de luxe, dans une coche de finition, dans une atmosphère aussi très particulière, parce que, bon, les boiseries, les matériaux, tu sais, tu dis que c'est scandinave, tu sais, ça donne une idée aussi de l'intérieur. On a cette sensation-là quand on s'assoit à l'intérieur du cockpit. Cette espèce de mélange de modernisme, de trucs épurés, mais en même temps de qualité de finition, des détails particuliers, tu sais, qu'on pense au bouton de démarrage, par exemple. C'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est une espèce de bouton qu'on tourne de droite à gauche pour démarrer le moteur, qui est super beau. Sur les versions inscription, le levier de vitesse, C'est automatique, évidemment, là, mais le levier de vitesse, il est comme en cristal transparent. Ok, t'en avais parlé, je pense, sur le XC90, il y avait ça aussi. Exactement. Alors, Ok. c'est le même genre. Ok. Donc, ça donne vraiment une qualité de finition incroyable. Mais là où Volvo a décidé d'aller plus loin encore, c'est en matière de sécurité. Ça te surprendra pas. Non, non, c'est leur marque de commerce. Exactement. Et la notion, ce que Volvo nous a dit, ce que le président de Volvo des Amériques nous a dit ce matin en conférence de presse, c'est on veut qu'à partir de 2020, il n'y ait plus un passager, un occupant d'un Volvo qui meurt sur la route. Bon, ils ont avant annoncé ça, ils ont fait un relevé de presse là, ou un communiqué de presse qui avait dit ça il y a quelque temps, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était essentiellement pour 2025. Là, ils ont ramené ça à 2020. OK. 2020, c'est demain matin, là. On Bon, oui, s'entend, là, c'est pour dans le monde de l'automobile, c'est demain matin. c'est demain matin. Alors, on se retrouve avec des voitures qui sont donc équipées de tout ce que tu peux t'imaginer. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont en option, là, OK? Bon, oui, ben c'est C'est de pas sur tous luxe. C'est les de la modèles. voiture de luxe, donc on est toujours, tu sais, beaucoup C'est ça. d'options Mais disponibles. Ouais. là, tu as vraiment toutes les options, les systèmes de... En fait, eux autres ont comme divisé ça en deux sections, si tu veux, là. Tu as une forme de sécurité qui est un support et tu as un ajout supplémentaire. Le support, ben, c'est les trucs comme l'aide au maintien de la voie ou des trucs comme ça. Et tu as, dans les versions supplémentaires, tu as ce qu'ils appellent le pilote assist, où là, c'est vraiment le volant qui réagit à ta place dans certains cas. En fonction de l'usage des freins, par exemple, ou en fonction de l'usage de différents capteurs qui sont à l'intérieur. Alors, par exemple, évidemment, si tu es dans la voie, puis que tu changes de voie sans avertir, bien là, ça va tilter, puis ça va t'aider. Mais en plus, on a ajouté un radar qui va détecter s'il y a une voiture qui vient en face. Et s'il y a une voiture qui vient en face, bien là, ton auto va vraiment se tasser à ta place. OK, pour éviter Et ce l'obstacle. sera pour éviter la voiture en face. OK. Même chose au niveau de... Ils ont créé ce qu'ils appellent une clôture électronique. Et si tu vas... si tu as tendance à t'en aller un peu à l'extérieur de la voie vers l'accotement, la clôture électronique te ramène. Mais ils sont allés un petit peu plus loin, puis ça, je trouve ça intéressant. Puis je vais finir là-dessus parce que je pourrais en parler longtemps, là. Mais comme tu sais, Volvo a toujours eu d'excellents sièges. Oui. Et se basant sur la sécurité, ils ont dit, on ne veut pas que notre auto aille hors route. Parce que, hey, pas, tu sais, je veux dire, c'est pas... si tu roules, que tu t'en vas hors route, c'est peut-être parce que tu as manqué ton coup, là. Ouais, peut-être. Fait que, Ouais. on a des systèmes pour l'empêcher, mais si jamais ça arrive, ben, on veut que le siège réussisse à vous garder dans une meilleure forme. Ce qu'ils ont fait, entre autres, c'est qu'ils se sont aperçus que quand les voitures se retrouvent dans des zones très accidentées, le coup tombe dans ta colonne vertébrale, parce que c'est ta colonne qui l'absorbe. Alors, ils ont conçu une portion du siège pour être en mesure d'absorber ce choc-là, même si tu t'en vas dans une zone un peu plus endommagée, disons. OK, bah c'est bien. Alors, on a vraiment joué dans les détails et c'est vraiment un véhicule qui, à ce moment-là, fait vraiment un travail assez spectaculaire. D'après moi, ça va être un grand succès. Le problème, en fait, c'est un grand succès, c'est tout état relatif, là. Mais chez Volvo, je sais, on n'a pas les chiffres pour le Canada, mais je peux te dire qu'aux États-Unis, on estime qu'on va multiplier par au moins 4 le nombre de ventes qui ont été faites cette année du Volvo XC60. Ben, c'est quand même bien. Puis c'est bon. J'ai toujours vu Volvo. Peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours vu Volvo comme le Subaru, mais de la voiture de luxe. C'est pas nécessairement tout le monde qui va aller là comme premier choix, mais un coup qu'on y va, on veut y rester peut-être. C'est-tu juste comme peut-être comme idée? Oui, je pense que c'est pas mal ça. Les clients sont assez loyaux, effectivement. Et je pense que ça paraît. Et c'est effectivement une voiture de luxe qui est très agréable à conduire. Honnêtement, ils ont bien réussi, vraiment bien réussi leur mise à jour, si tu veux, du XC60. Bon, super. On a hâte de voir ce que ça s'en va avec les modèles 40 aussi, qui vont être les modèles peut-être plus abordables et plus t'sais, faciles d'atteinte pour les gens qui ont peut-être pas t'sais, un montant énorme à mettre sur une voiture. J'ai hâte de voir ce qu'ils s'en vont. À date, ils font un bon travail. Un bon exemple qu'une compagnie chinoise qui achète une compagnie de voitures qui a des problèmes peut réussir au bout de la ligne, là. On leur donne carte blanche, puis on fait un travail assez extraordinaire. Effectivement, mon cher. Donc, super, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'une voiture que tu as essayée, j'imagine, assez récemment, la toute nouvelle Honda Civic SI. Ouais, je l'ai essayé la semaine passée, en fait, la Honda Civic SI. C'est une voiture que j'avais essayée un peu quand je suis allé au lancement de la Type R. Ouais. Et on avait fait le chemin entre Montréal et Mont-Tremblant au volant de la SI, mais je t'avoue que je n'avais pas vraiment eu l'occasion de la mettre à l'épreuve plus qu'il fallait. Et là, j'ai décidé que, bon, il fallait que je l'essaye comme du monde. C'était le temps de payer une go. C'est ça. Et j'ai testé la petite Civic SI, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. OK. Ce n'est pas une voiture qui est aussi extrême que la Type R, évidemment. Bon, on s'en C'est donc attend. une. C'est ça. C'est donc une voiture qui est très raisonnablement configurée pour être agréable en conduite à tout point de vue, qui est quand même assez puissante. On parle de 205 chevaux, 192 livres-pieds de couple. C'est amplement suffisant pour le genre de véhicule que c'est. C'est pas un peu moins que la dernière version, par exemple? C'était pas Non, comme 210 ou c'est. Il me semble que il me semble que c'est 205. 201 peut-être avant. Mais il me semble que Ouais, il me ça a semble. joué un peu de la dernière. Il me semble que c'était un peu plus ou un peu moins, là. Il Mais me semble OK. que c'est 5 de plus, OK, mais c'est bon. je gagerai pas là-dessus, là. Mais je vais quand même le vérifier. Tu as réussi à semer le doute dans mon esprit, Parle, parle, puis comme je vais tu l'as. regarder pendant ce temps-là. Comme c'est ce que je suis en train de faire, là, de vérifier en même temps. Tu vois, oui, ça se peut bien, en tout cas. C'est pas grave. Tout ça pour dire que finalement, c'est une voiture qui, honnêtement, est très bien équilibrée, qui est très bien faite. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, en passant, c'est une auto qui est très. Qui est basé, évidemment, on s'en doute, sur ce que la berline Civic est, mais qui a grossi comme sa sœur berline ordinaire a grossi par rapport à ce qu'elle était auparavant. Okay. C'est Donc, 205 encore, donc ça n'a pas changé à l'année passée. ben, c'est parce que c'est la même, tu as regardé 2017 probablement. Non, j'ai regardé 2015, OK. spécification. Ben, en tout cas. C'est bon. OK. Alors, tout ça pour dire que c'est franchement une auto qui est agréable à conduire. Manuel, six rapports, la boîte de vitesse est bien étagée, elle est bien équilibrée, c'est intéressant. Les suspensions ont été modifiées, on a grossi un peu aussi les barres anti-roulis. Ce que ça fait, c'est que ça fait une voiture qui est à la fois agréable en usage ordinaire, donc tu te promènes sur la route, il n'y a pas de problème, c'est cute, c'est le fun, ça va bien. Et quand tu décides de la pousser un peu plus, ben là, elle devient vraiment un peu plus méchante. Et elle est équipée pour le faire, et ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que on a bien réussi la transition, si tu veux, parce qu'on l'attendait la SI. On le sait, c'est une des dernières de la gamme de la Honda Civic à être renouvelée Ouais. avec la 10e génération. Donc on l'attendait celle-là parce que contrairement à la Type R qui d'une part est en nombre un peu plus limité et d'autre part est à un coût un peu plus limité Prends aussi. un portefeuille un peu plus mieux garni pour se la payer. Exactement. Ouais. La SI berline, on parle de 28 400 là. On n'est pas dans une voiture qui est totalement inaccessible. C'est donc un véhicule qui devrait avoir pas mal de succès dans sa forme actuelle. Bien sûr, elle a un look plus sportif que les autres, elle est dotée d'un aileron arrière, elle a des roues différentes, elle a des éléments aérodynamiques un peu différents, mais c'est rien non plus d'extravagant comme ne l'est la Civic Type R, par exemple. Ouais, T'sais, on ok. n'a pas l'impression de regarder une soucoupe volante là, comme on le fait avec la Type R. Ok. Ceci étant dit, c'est quand même une auto qui est relativement luxueuse. L'intérieur est noir, mais elle arrive bien équipée. Bon système de son. Bon, bien sûr, là, tout ce qui est connectivité, Apple, Google et tout ce que tu voudras. Ok. C'est vraiment une voiture qui est quand même bien équipée et qui, comme d'habitude chez Honda, dispose du détecteur d'angle mort et de la fameuse caméra quand tu clignotes vers la droite, là. Ouais, qui apparaît le contenu de ton rétroviseur apparaît dans ton écran central, C'est ça, là. exactement. Alors, Ouais, ça, c'est intéressant et c'est vraiment bien fait. OK. Donc, dans l'ensemble, c'est une Civic Plus. On a vraiment gardé la personnalité, la philosophie qui dirige même la SI, c'est-à-dire qu'on a voulu en faire une voiture ordinaire, une Honda Civic dans la plus pure tradition, et on lui a conféré la capacité d'être plus sportive. C'est donc vraiment, vraiment quelque chose de super intéressant parce que c'est exactement le genre de truc que l'on voulait développer avec la SI et attirer des anciens et des nouveaux amateurs à cette voiture-là. Ouais, parce qu'il y avait eu la déception de la Civic 2010, 2000, dans ces coins-là, là, où le 2012, je pense qu'il avait fait redessiner 2012. tout ça, là, parce que ça ne fonctionnait pas. Là, on revient sur la piste, là, on revient avec une voiture qui est compétitive puis qui est jolie, là. C'est sûr, il faut aimer le style. C'est peut-être un peu extrême pour certains, mais des fois, on chiale quand c'est pas assez extrême, puis on chiale quand c'est trop extrême, fait qu'on sait pas trop ce qu'on veut, là. Mais moi, je trouve la Civic, je trouve très jolie, la nouvelle Civic, là. Moi aussi, je la trouve très belle. Elle est vraiment très belle. Et elle est vraiment, comme je te dis, tu sais, toute la tenue de route de la nouvelle Civic, peu importe sa version, elle est vraiment exceptionnelle. Alors, en version SI, on a juste amélioré les choses, tout simplement. Ok, c'est bon. Honnêtement, c'est une voiture que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Moi, qui n'étais pas un fan de l'ancienne SI, je dois le dire, de l'ancienne génération, celle-là, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Comme transmission dans la SI, on a-tu l'automatique et la manuelle ou c'est juste une Non, transmission manuelle? on n'a que la manuelle 6 vitesses. Ok. Comme on a un intérieur seulement noir, tu n'as pas d'autres possibilités. Ok. T'sais, on a limité les options disponibles. Ok. Ouais, mais une SI avec une transmission CVT, de toute façon, ça aurait été un sacrilège. Okay. Aussi bien de rester qu'une transmission manuelle. Effectivement, Entre moi et effectivement. toi, là. Quand même. Ouais. Exactement. Alors non, mais dans l'ensemble, c'est une très, très belle réussite, je dois le dire. Super. Bien content de la Civic SI, mon ami. C'est merveilleux. Moi, j'étais au volant de quelque chose d'un peu différent. J'étais au volant d'une voiture qu'on a conduite quand même assez longtemps. C'est ce qu'on avait pour aller au salon de Toronto au mois de février. Cette semaine, j'étais au volant de la Toyota Prius Prime. Je dois avouer, je l'avais conduit un peu en allant à Toronto. Je ne sais pas si j'avais le droit ou pas, mais je l'ai conduit un peu en allant à Toronto. Puis j'ai beaucoup d'autoroutes. C'était pas nécessairement son environnement idéal parce que, bon, tu étais arrivé déjà chez nous pour me ramasser. La voiture était vide côté électrique hein, parce qu'elle a une quarantaine de kilomètres d'autonomie tout électrique. Donc, on était sur l'essence tout le long. C'est pas la voiture à son meilleur. C'est pas une voiture qui est désagréable en mode essence. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est une voiture qui est encore beaucoup plus agréable quand elle est en mode électrique. Elle est nerveuse, elle est silencieuse. C'est vraiment une voiture qui est à son meilleur quand elle est en mode tout électrique, mais elle est quand même correcte quand elle est en mode à essence, là. Mais j'avais pas eu l'occasion, quand on l'a conduit pour aller à Toronto, de l'essayer en mode électrique parce que ben, on n'a pas chargé du tout rendu là-bas. Fait qu'on a fait vraiment l'aller-retour en mode à essence. Puis on avait fait, si je me rappelle bien, 4,4 litres au 100 km de moyenne, ce Exactement. qui est quand même assez extraordinaire pour le trajet qu'on a fait. Puis pour faut dire, là, en faisant Montréal-Toronto, on ne fait pas nécessairement attention parce que c'est long et plate un petit peu pire. Donc, Oui. cette semaine, j'ai réussi à. Ben, la semaine passée, j'ai réussi à avoir la Prius Prime, puis de faire vraiment ce que la Prius Prime est faite pour dans son environnement. T'sais. Fait que charger le matin quand tu pars, peut-être charger au bureau ou pas. Pour t'en revenir. Moi, j'avais l'occasion de charger sur le 110 volts au bureau et en dedans de 5 heures, la voiture est pleine. Donc, j'avais le temps d'arriver le matin, je branchais la voiture, j'ai eu zéro problème de recharge, pas comme j'ai eu avec certaines autres voitures, j'ai eu zéro problème de recharge avec elle et j'ai réussi à faire mon aller-retour matin et soir avec 40-43 km d'autonomie annoncée. J'ai mis mon compteur à zéro, je suis parti du bureau pour m'en revenir à la maison. Puis j'ai fait à peu près ça, j'ai fait environ 41 km quand elle me donnait 43 km. Je trouve ça vraiment correct. J'accélère un peu plus vite, des fois tu roules un peu plus vite sur l'autoroute. Mon chemin est moitié autoroute, moitié ville, arrêt et tout ça. Donc c'est une voiture, elle a vraiment performé comme je m'en attendais. À l'intérieur, c'est une voiture qui est magnifique. On a un grand écran, là, ça, c'est presque un iPad. C'est un écran vraiment long, ça doit être 10 pouces de long. C'est vraiment comme une tablette, un peu comme on voit chez Tesla, mais peut-être en moins imposant. On va utiliser ça pour bon, le Bluetooth et tout ça, avoir les données sur la voiture, comment est-ce qu'on conduit, toutes sortes de choses comme ça, pour avoir plein de données sur cet écran-là. C'est un écran qui est clair, qui est facile à utiliser. J'ai trouvé ça vraiment bien. La seule chose que j'ai trouvé un peu, ben, que j'aurais aimé avoir, c'est des boutons physiques pour pouvoir partir le volant chauffant, ces choses-là. Le volant chauffant, t'as sur le volant, mais pour la climatisation, il faut vraiment aller par l'écran. L'hiver, c'est pas optimal, mais regarde, c'est correct. Ouais. Tu ne serviras pas de la climatisation l'hiver non plus, Non, là, non, mais mais pour partir le chauffage et tout ça se fait je par. te Je le taquine. sais. Ça fait ça par l'écran, donc j'aurais aimé ça que ça soit juste un bouton pour juste pour partir le chauffage. Puis il y a une espèce de petite console blanche qui descend un peu plus bas où on a certains contrôles. Ben, les boutons pour les sièges de chauffant sont en arrière de ça. Fait que si on regarde vite, vite, on ne les voit pas nécessairement. Ils sont comme un peu cachés. Mais pour le reste, c'est un intérieur qui est vraiment bien fait, joli. Faut s'habituer à avoir les données de conduite en plein centre de l'auto, par exemple. Ouais. C'est un peu comme les anciennes Civic où on n'avait pas de cadran en avant de nous vraiment en tant que conducteur. C'est plus comme au centre. Donc, vous ne pouvez pas faire assemblant et dire à votre femme « Non, non, je roule pas 120 km/h, chérie. » Elle le voit, c'est marqué direct en avant d'elle. Mais pour le reste, c'est vraiment très joli. C'est une voiture qui est confortable. On se fait pas brasser là-dedans. La conduite est intéressante. Puis en mode électrique, j'ai resté vraiment surpris comment agile la voiture peut être. Est assez prime quand elle est en mode électrique. Là, on accélère, puis elle veut. C'est pas une voiture qui prend du temps à se mettre à avancer. Elle est vraiment comme... Elle se prend pour une petite sportive quand on est en mode électrique. Je trouvais que c'est une voiture qui était vraiment bien faite. Design extérieur, je l'ai déjà dit, c'est pas ma voiture préférée de Toyota. J'aime quand même le style. À l'avoir eu une semaine dans mon entrée, je me suis habitué à ces lignes, puis je commençais à la trouver jolie, puis ma conjointe l'a trouvée belle en partant. Elle dit « Je trouve ça vraiment beau, j'aime le design, j'aime qu'ils aient osé certaines choses. » Tu sais, les phares à espèces comme 4 étages, et des dalles chaque côté. Le design, c'est affirmé, tu sais, c'est pas, comme je disais tantôt, ouais. Tu sais, des fois on trouve c'est plate. Tout le monde disait à un moment donné, ah, tu sais, Toyota, c'est pas inspiré, le design, c'est plate, c'est toujours pareil. Ben, la Prius, c'est tout le contraire de ça. T'sais, c'est un design explosé. Cette année, Toyota s'est vraiment lancé dans le design. Là. Ouais, regarde la Camry. Ouais, ils sont en train de se démarquer quelque chose de rare. Là. Fait, totalement. Ouais, totalement. Fait ils ont peut-être écouté les critiques, mais c'était pareil chez Honda à un moment donné. Hein. Chez Honda, la Civic, on changeait de coupe, petite affaire, mais pas trop pour pas choquer les clients actuels. Mais tu vas pas chercher de nouveaux clients en n'essayant pas quelque chose de nouveau. Mais Toyota faisait un petit peu la même chose. Puis là, ils sont en train de sortir du moule. Gal CHR. Le CHR, c'est un magnifique comme petit VUS. Là, ils sont en train de sortir du moule de voiture au look ordinaire pour mettre vraiment du design dans leur voiture, puis ont commencé tranquillement. Fait que la Prius est un peu comme ça. Donc, si vous cherchez une voiture hybride, ça a environ une quarantaine de kilomètres d'autonomie. C'est pas 100 km, c'est pas comme une Volt. C'est une voiture qui a un peu moins d'autonomie, mais c'est une voiture qui est agréable à conduire. J'ai trouvé vraiment le fun. On est parti toute la gang ensemble, en famille, on est allé se promener, puis ça a vraiment été bien. On est allé à la ronde, aller-retour, parti avec assez d'électricité pour faire un bout, mais revenu totalement sur l'essence. J'ai fait environ 580 km avec pendant ma semaine. J'ai fini avec une moyenne de consommation de 1,7 litres au 100 km. Puis la seule raison pourquoi j'ai fait 1,7 litres au 100 km, c'est parce qu'on est allé à la ronde samedi. Parce que j'ai sorti de la zone de confort de la voiture. T'sais, j'ai fait vraiment un demi-aller avec un petit peu plus qu'un demi-aller sur l'électrique, mais je suis revenu complètement sur le mode essence. Puis j'ai pas roulé tranquillement. Il commençait à être tard, on voulait s'en venir. Là. Mais j'ai fini à 1,7 litres au 100 km. Le trois quarts de ma semaine, puis j'ai pas fait plus attention que ça. J'avais 1,1 litre au 100 km de moyenne. Je pense que la voiture a à peu près une moyenne à vie de 1,5 litres au 100 km. Je pense qu'elle a 7000 km sur le compteur. Là. Fait que c'est une voiture qui est très, très efficace. Là. Quand même, faut donner c'est... ça. Oui, non, c'est... Oui, puis tu sais, ça fait tout à fait le travail. Honnêtement, c'est juste qu'elle est un peu chère. Là. Ben oui. Ouais, ben on parle d'un modèle de base là, qui est à quoi 35 204 puis si vous allez avec la Prius Prime avec l'ensemble technologie, on parle de 40 779 Vous pouvez enlever 4 000 du gouvernement. C'est pas 8 000 comme une Volt, c'est 4 000 du gouvernement que vous pouvez enlever. C'est sûr que c'est le montant avant taxe. Là, ça ne revient pas à 4 000 ça revient probablement aux alentours de 3 200 ou quelque chose. Je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs. Ça ne revient pas à 4 000 là. Ça revient un peu moins que ça. Donc, vous pouvez quand même avoir un rabais du gouvernement pour la borne. Si vous décidez d'aller pour une voiture comme ça, je vous conseille pas nécessairement de dépenser pour avoir une borne à la maison de 240 volts, à moins que vous ayez l'intention de vous acheter une voiture pleinement électrique plus tard. Parce que pour une recharge de 5 heures sur le 110 volts, le 120 comme on a à la maison, là, c'est correct. Là, vous allez la brancher le soir, puis elle va être pleine le lendemain matin quand vous allez repartir. Fait que je sais pas si ça vaut la peine de dépenser le 1000$ de plus, le 1200$ de plus, là aussi un rabais gouvernemental, pour avoir une borne à la maison pour ce type de voiture-là. Si vous êtes capable de la brancher sur le 110, vous avez une prise pas loin, ça fait le travail, là. Ça, c'est aucun problème. Fait que je vous dirais, tu sais, pensez-y avant d'acheter une borne 240 pour cette voiture-là. Vous n'avez pas vraiment de besoin. Puis au pire, vous êtes mal pris, il y a de l'essence dans l'auto, là. Ça va super bien. Au total, moi, ça m'a coûté à peu près 13$ d'essence pour faire mon 580 km GD, là. Fait que c'est pas beaucoup. Donc, c'est ça, j'ai bien aimé. Donc, puis le bleu que j'avais là, aussi cette semaine, là, qui s'appelle Bleu Magnétisme, et ma foi, assez joli. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec notre dernier bloc, qui va être un bloc nouvelle. Donc, nous sommes de retour, et Marc, dernier bloc cette semaine. Comme on a dit, on a une émission un peu écourtée, parce que t'es quand même sur la route, et il y a des gens qui t'attendent pour aller souper. Donc, Ah, mais ils m'attendent pas pour aller souper, ils m'attendent pour aller tourner une vidéo. Ah, ok. Puis alors, on sait que ça coûte pas cher avoir une équipe de tournage qui attend après quelqu'un, après la vedette qui est dans sa chambre en train de parler à un loser à l'autre bout qui est à Montréal. Donc Marc, on va faire ça vite. On a quelques nouvelles. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ben, cette semaine, comme tu le sais, c'était le concours d'élégance de Pebble Beach. OK, annuel, oui. Pebble Beach, en Californie. Un concours au cours duquel, bien sûr, il y a toutes sortes de véhicules qui sont montrés et que de plus en plus de manufacturiers utilisent pour faire des dévoilements. Donc, on voit là vraiment de magnifiques voitures qui sont la plupart du temps des prototypes qu'on ne verra jamais ou à peu près jamais. Ouais. Des études de style, souvent. Là. C'est comme. C'est ça. Ouais. Tu vois, comme là, Mercedes-Benz a dévoilé sa vision. Elle s'appelle Vision Mercedes Maybach 6. Qui n'est pas supposée être la voiture entièrement électrique, là? Elle est entièrement électrique. Okay. 4 moteurs électriques, 750 chevaux. OK, ça doit décoiffer. 0-100 en bas de 4 secondes. Vitesse de pointe, 250 km. Autonomie, 500 km. OK. Et on dit qu'elle a un système de recharge rapide qui lui permettrait d'injecter assez d'énergie en seulement 5 minutes pour faire 100 km de plus. OK. Probablement une nouvelle technologie de batterie. Il y a des rumeurs de certaines nouvelles technologies de batterie qui s'en viennent. J'ai l'impression qu'on va voir ça arriver sur les voitures de grand luxe en premier, puis après ça, ça va venir à nous, les petits pauvres, là, mais oui. Ouais. Ça va coûter encore une petite fortune. Il faut juste préciser que la Vision 6, parce qu'on va l'appeler comme ça, on la connaît, c'est une voiture qui fait plus de 6 mètres de long. Comment c'est un bateau? Oh, c'est quasiment un autobus rendu là. Ouais. Des roues de 24 pouces. Alors, vraiment, là, tu l'as dit, c'est un exercice de style. Ouais. Exercice de style qui est bien réussi si on aime le genre. Mercedes-Maybach nous avait déjà montré des véhicules au cours des derniers mois qui ressemblaient un peu à ça. Alors, c'est vraiment ça qui est. C'est vraiment ça qui ressort chez Mercedes, cette espèce d'énorme vision. Mais il faut savoir que Maybach, c'est la division de très grand luxe de Mercedes. Donc, évidemment. On n'est pas là. Ouais. Dans la série des autres dévoilements qui ont été intéressants, c'est le concept Z4 de BMW. On l'attend, on a hâte de voir le renouvellement de la Z4 qui était sérieusement vieillissant, disons-le, là, le design. Ouais. Ouais. On a vraiment présenté un véhicule qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sportif, beaucoup plus angulaire que ne l'était. Donc, faites une petite recherche sur la BMW Z4 à Pebble Beach et vous allez voir, c'est vraiment un véhicule qui est bien réussi. C'est vraiment bien fait. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être vu aussi. Okay. Et faites une recherche sur Pebble Beach, vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'affaires. On a un collègue, Daniel Ruffiange, qui était présent. Il écrit, je pense que c'est sur Autofocus, ou en tout cas sur sa page Facebook, vous allez le voir. Je vous invite à aller la consulter. Il y a à Pebble Beach aussi un concours de citrons. Alors, c'est les gens qui présentent les voitures les plus laides. Et honnêtement, il y en a des très drôles. Je suis obligé de dire là, qu'il y a vraiment du monde qui ont moins de goût que moi en matière d'automobile. Ce qui n'est pas peu dire. OK. Autre détail, on continue dans les nouvelles. Volkswagen qui a finalement confirmé la venue du ID Buzz. Oui. Autobus électrique. Exactement. En fait, c'est un Westphalia électrique. Ouais. Microbus électrique. C'est confirmé pour 2020. On l'a dit tantôt, 2020, c'est demain matin. Donc, c'est là parce que ça fait partie de la stratégie de Volkswagen qui s'appelle Transform 2025. Ça veut dire qu'en 2025, eux autres estiment qu'ils vont avoir 1 million d'unités électriques vendues pour le groupe Volkswagen, juste bien pour le groupe. Donc, ça fait partie de ça. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir. C'est aussi, ça a été présenté dans le cadre de la conférence de presse à Pebble Beach. Mais allez voir le ID Buzz. Moi, je l'avais vu dans les salons l'année passée. Et c'est vraiment un petit véhicule très joli, très cute. Ça, ça pourrait attirer beaucoup de gens parce que ça va devenir un véhicule familial entièrement électrique. J'ai hâte de voir l'autonomie. Ouais, Ça va être intéressant. pour le moment, il y a plus de détails, évidemment. T'auras... Mais ça fait partie de la douche de désinfectant que le groupe Volkswagen s'auto-flagelle avec pour un peu se laver du Dieselgate. Ouais, OK, mais qu'il n'y a pas vraiment le choix, en fait, Non, là. non, c'est ça. C'est faut se montrer propre, propre, propre. Ouais, exactement. Écoute, une nouvelle qui n'est pas automobile, mais je tiens à en parler, ça concerne un magazine. Magazine en anglais qui s'appelle Canada Moto Guide. C'est un magazine qui offrait vraiment du contenu assez intéressant en matière d'automobile. Pas d'automobile, mais de motocyclette. Il y avait des gens comme Costa Mouzouris, qui est un gars de Montréal qu'on connaît bien, qui participait. Et la triste nouvelle, c'est qu'ils ont décidé d'arrêter, de fermer le magazine à la fin du mois, victime du manque de publicité, comme bien d'autres choses. Donc, le 1er septembre, ce sera terminé. Canada Moto Guide, si vous êtes des amateurs de moto, profitez-en, allez consulter le site. Il est très bien fait. C'est dommage, on perd un gros morceau en matière de moto au Canada. Et je trouve ça extrêmement dommage. Je tenais à en parler. Mais on perd beaucoup de motos, on perd beaucoup de publications d'automobiles. Puis des fois, les gens s'en aperçoivent pas parce que ça ne paraît pas nécessairement. Mais souvent, deux publications vont migrer ensemble. Puis là, tu dis, ah, ce journaliste-là est rendu là. Ben non, c'est parce que les publications ont migré. Fait que. Mais c'est particulièrement vrai en anglais. Écoute, cette année, c'est fou. Les gens de AutoGuide ont envahi littéralement toutes les plateformes. AutoGuide, là, ils sont propriétaires de sites en anglais comme The Truth About Cars, AutoGuide.com et tout ça. C'est maintenant eux qui fournissent du contenu au Toronto Star. Alors qu'avant, il y avait leur propre équipe. Maintenant, ils n'ont plus leur propre équipe. Donc, on est vraiment dans un cheminement là où c'est, tu sais, puis même au Québec, là, récemment, Auto 123 a changé de main, est allé dans une autre compagnie parce que la compagnie mère d'Auto 123 a fait faillite. Bref, c'est pas une période facile pour les médias automobiles. Ce qui fait que nous, on fait notre podcast bénévolement puis on s'amuse. C'est Bon. ça. Dans la série des nouvelles un peu plus jojo, Hyundai. Qui ont dévoilé au cours des derniers jours un nouveau VUS à hydrogène. Je sais que les amateurs de voitures électriques ne trippent pas sur l'hydrogène pour différentes raisons qui leur sont propres et que je respecte tout à fait, mais Je pensais on t'allais dit. dire plus ou moins, mais Non, j'ai mis le tout à fait, je vois ça. J'ai fait une pause entre les deux, tu remarqueras. ouais. Mais on dit quand même que ça va être un véhicule. Écoute, si ça va bien. On dit qu'en 2035, en fait, chez Hyundai, on va avoir une flotte complète, une gamme complète de véhicules à l'hydrogène qui sera rentable. On Ouais, verra ce que ça va j'ai de donner. la misère à croire ça, mais oui, peut-être, peut-être. Ben, en fait, oui, c'est parce qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'on fait chez nous non plus, là. Tu sais, il faut voir ce qui se fait ailleurs. En tout cas, Peut-être eux ailleurs, disent que moi. leur petit VUS va être capable de parcourir 580 km et il va être vendu dès l'année prochaine en Corée, en Europe et aux États-Unis. Donc, on arrive quand même avec ça. Et il faut savoir que en Allemagne, par exemple, les manufacturiers se sont associés entre eux pour développer un réseau de fourniture d'hydrogène. Tu sais, il va y avoir du développement dans ce monde-là au cours des prochains mois, des prochaines années, c'est certain. Sûrement. Rapidement, rapidement, Mazda qui va enfin s'en venir avec un système électrique en partie. Ils ont déposé une demande de brevet pour un moteur qui est assez complexe, là. Je ne me mettrai pas à vous l'expliquer, là. Mais c'est un moteur avec deux turbos et un supercharger électrique. On sait que déjà, il arrive avec un nouveau moteur à ignition par compression en 2019, le Skyactiv-X. Et là, il arrive avec ce moteur-là qui serait, bon, utiliserait beaucoup moins d'essence et une partie d'électricité. Comme je te dis, la notion technique elle-même, là, je vais laisser passer ça. Mais si on est donc dans l'électricité, on commence à voir des choses électriques chez Mazda parce qu'on le rappelle, c'est une des compagnies qui, pour le moment, n'a aucune version électrique d'aucun de ces Ouais, modèles-là. mais on avait déjà parlé, par exemple, en disant que Mazda, peut-être pas de modèle électrique, mais ils ont quand même la flotte de voitures qui consomment le moins. Oui, mais ils n'ont pas de pick-up. Mais ils ont pas Rappelle-toi. de... C'est ça, ils ont pas de pick-up, ils n'ont pas de grosses voitures sport avec des V8 et des choses comme ça. Ils ont quand... Mais ils ont... sont quand même... c'est quand même le constructeur qui a une C'est cote ça. de consommation la plus basse. C'est ça. Exactement. Mais bon, on est là. Et enfin, dernière petite nouvelle, on en a déjà parlé, je pense. Le constructeur automobile Jeep pourrait passer aux mains d'une compagnie chinoise. Ouais, je pense qu'on en a parlé la semaine passée. C'était pas Geely qui Oui. avait... Non, mais là, c'est la compagnie Great Wall qui aurait formellement déposé une offre. Ah, OK. La semaine passée, on disait que c'était dans les rumeurs. Et là, voilà que une semaine après, à peine, il semble que la compagnie Great Wall ait formellement déposé une offre et que les négociations soient amorcées avec Jeep. Je te rappelle que Jeep, c'est une compagnie qui est extrêmement importante au monde. On dit que toute compagnie confondue, c'est le nom le plus connu de l'industrie automobile Oui. au monde. Pas de misère à Et c'est croire. une compagnie qui est passée depuis, écoute, en quelques années, là, depuis 2008, ils sont passés de 500 000 voitures vendues à 1,4 million de voitures vendues par année. Oui. Donc, c'est une voiture qui est une marque qui est en pleine explosion. Le danger, c'est qu'évidemment, si Fiat Chrysler vend ça, ben, il vend sa vache à lait. Donc, ça pourrait vouloir dire des années un peu difficiles pour FCA, à moins qu'il y ait d'autres transactions possibles dans l'air. Mais Jeep pourrait devenir chinois, ce qui, on l'a vu avec Volvo, on en a parlé en début d'émission, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Pas nécessairement, t'as bien raison. Donc, c'est beau, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, sur ma page de blog, marcbouchard.ca, c'est la méthode la plus facile. Vous avez là tout ce qui est mes sites, ma page Facebook, mon lien Instagram, mon Twitter, Marc souligné Bouchard. Je suis régulièrement là. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire. On a d'ailleurs eu une demande cette semaine, une question qui nous a été posée par quelqu'un, à laquelle on répondra un peu plus tard. Mais c'est info@saroule.com. C'est une adresse courriel que Luc et moi recevons en même temps. Et Exactement. toi, mon cher, on te rejoint comment? Sur Twitter, @Calazormo, je gère aussi le compte Twitter de Ça Roule Radio. Vous pouvez poser des questions par là si ça vous chante aussi. La page Facebook Ça Roule Radio. Et puis, vous pouvez nous écouter sur sportradio.ca et sur Radio H2O, ainsi qu'une nouvelle radio qui s'en vient bientôt au mois de septembre. Comme j'ai dit la semaine passée, on va vous en parler un petit peu plus près du lancement. Et puis, on est disponible sur iTunes et sur Google Play. S'il y a des gens qui aimeraient qu'on soit sur SoundCloud, Marc nous est arrivé, m'est arrivé avec ça hier matin, je pense, ou hier soir. Ben, on peut ouvrir un compte SoundCloud si ça vous aide à avoir de la facilité à ramasser les émissions. On peut mettre ça aussi sur SoundCloud, quoique la plateforme est supposément en agonie. Ça va pas super bien, mais si ça intéresse des gens, j'ai aucun problème à mettre ça aussi sur SoundCloud. Donc, Marc, Ouais. bonne fin de voyage à Denver, bon souper et bonne vidéo avec la gang qui t'attend en bas incessamment. Et puis, ben, nous autres, on se reparle la semaine prochaine. Puis aux auditeurs, je vous dis bonne semaine, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça roule Radio. Bye tout le monde. Bye.